Spectacle rassurant de Victor Hugo. Enregistré pour LibriVox.org. Tout est lumière, tout est joie. L'araignée, au pied diligent, attache aux tulipes de soie ses rondes dentelles d'argent. La frissonnante libellule mire les globes de ses yeux dans l'étang splendide où pullule tout un monde mystérieux. La rose semble, rajeunie, s'accoupler au bouton vermeil. L'oiseau chante, plein d'harmonie, dans les rameaux, pleins de soleil. Sa voix bénit le dieu de l'âme, qui, toujours visible au cœur pur, fait l'aube, paupière de flamme, pour le ciel, prunelle d'azur. Sous les bois, où tout bruit s'émousse, le faon, craintif, joue en rêvant. Dans les verts écrins de la mousse, lui le scarabée, or vivant. La lune, au jour, est tiède et pâle, comme un joyeux convalescent. Tendre, elle ouvre ses yeux d'opale, d'où la douceur du ciel descend. La giroflée avec l'abeille, folâtre, en baisant le vieux mur. Le chaud sillon gaiement s'éveille, remué par le germe obscur. Tout vit et se pose avec grâce. Le rayon sur le seuil ouvert, l'ombre qui fuit sur l'eau qui passe, le ciel bleu sur le coteau vert. La plaine brille, heureuse et pure. Le bois jase, l'herbe fleurit. Homme, ne crains rien, la nature sait le grand secret et sourit. Fin du poème. Enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.